بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مرحبا بكم يا أيها الإخوة bienvenue mes frères. نشرع هذه الليلة في موضوع مهم. Nous allons aborder en cette nuit, un sujet très important. فالمتأمل في نصوص الشرع يجد أن الشريعة اهتمت بالأمور المتعلقة باللسان. Celui qui médite sur les textes de la législation verra que celle-ci accorde de l'importance à tout ce qui est lié à la langue. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وأمامه الصحابة الذين هم خير هذه الأمة. Et parmi les éléments qui montrent l'importance des sujets liés à la langue dans notre législation, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait donc les discours et les sermons sur le mimbar, alors qu'il y avait en face de lui les compagnons qui sont les meilleurs de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô ceux qui ont cru, donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit ô ceux qui ont cru, craignez Allah et prononcez des paroles et dites des paroles de droiture afin qu'il améliore vos actes et vos actions et qu'il pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a alors réussi d'une façon claire. Ya ayyuha al-ikhwa, al-qawlu as-sadid, la parole juste, ô mes frères, la parole juste, la parole de droiture, et la parole de vérité, celle que tu médites avant de la prononcer, فالله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بأن يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Et donc Allah تبارك وتعالى il a ordonné aux croyants de craindre Allah et de dire des paroles de droiture. Et cela nous est répété tous les vendredis lorsque l'imam, il commence la khutbah du vendredi. À chaque fois, vous l'entendez. ثم قال, et ensuite Allah il dit يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, afin qu'il arrange vos œuvres et qu'il pardonne vos péchés. قال ابن كثير رحمه الله ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم, أي يوفقهم للأعمال الصالحة, وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. Et donc il dit, Ibn Kathir dans son tafsir, Dans l'explication de ce verset, il dit donc dans l'explication de ce verset, Allah, il leur a promis aux croyants, que s'ils font cela, c'est-à-dire s'ils le craignent et qu'ils parlent avec des paroles de justice et de droiture, alors il va les récompenser en améliorant leurs œuvres, c'est-à-dire qu'il va leur accorder la réussite en leur permettant d'accomplir de bonnes actions. Et qu'il va leur pardonner leurs péchés passés. Il va donc leur pardonner leurs péchés passés. Et que les péchés qu'ils feront dans le futur, il va les inciter ou les insuffler le fait de revenir et de se repentir. De se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah t'accorde la réussite. Il te pardonne tes péchés passés et te permet, concernant tes péchés futurs, de revenir et de te repentir. فَلَمَّ كَانَ الْعَبْدُ مُتَّقِيًا وَاسْتَعْمَلَ لِسَانَهُ فِي مَرْضَاتِ رَبِّهِ وَعَدَهُ اللَّهُ بِهَذَا الْوَعْدِ الْعَظِيمِ. Et lorsque le serviteur fait preuve, lorsque le serviteur est craintif, craint son Seigneur, et utilise sa langue dans l'agrément de son Seigneur, alors celui-ci lui a accordé cette promesse grandiose. وَلَكِنْ ينبغي على المسلم أن يعرف أيضا الوعيد الشديد على من استعمل لسانه في سخط الله. Cependant, il est important et impératif que le croyant, que le musulman connaisse la menace terrible qui pèse sur celui qui utilise sa langue dans toutes les causes, tout ce qui cause la colère d'Allah. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ما يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات. البخاري ومسلم ont cité selon Abu Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, certes le serviteur parle en prononçant des paroles, des paroles qu'il n'accorde aucune importance. Il prononce des paroles et ne leur accorde aucune importance. Allah élève par celle-ci en degré. Il a été rapporté dans certaines versions, يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَتْ. Allah l'élève, c'est-à-dire ce serviteur, par cette parole, Allah l'élève en degré. Donc le serviteur va parler en prononçant des paroles qui font partie des paroles que Allah agrée. Des paroles que Allah agrée. Et il n'accorde pas à ces paroles quelconque importance. Allah l'élève par celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'il agrée cette parole. Ibn Hajar, il dit, « Aïe, la yata'ammeluha bi khatirihi. » ولا يفكر في عاقبتها ولا يظن انها تؤثر شيئا. Il dit Ibn Hajar dans l'explication de ce hadith, cette personne, il ne médite pas sur ses paroles. Il ne médite pas sur ses paroles. Et il ne pense pas aux conséquences de celles-ci. Et ne pense pas que celles-ci, elles auront un impact. Mais Allah l'élève en degré par celles-ci. Parce que c'était une parole qu'Allah agrée. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار وفي رواية في نار جهنم. Et donc le prophète, il continue en disant, et le serviteur va parler en prononçant des paroles qui causent la colère d'Allah, sans leur accorder. C'est pas grave. n'a pas réfléchi, n'a pas pensé aux conséquences de ses paroles. Et à cause de celle-ci, il tombe dans l'enfer, dans le feu de l'enfer, à cause de ces paroles qu'il a prononcées. فاليوم للأسف تجد أناسا كثيرين ينشرون الأكاذيب على علماء ومشايخ وطلاب العلم فكيف بغيرهم. Aujourd'hui, malheureusement, on voit des gens qui propagent des mensonges concernant les savants, concernant les gens de science, concernant les mécheïrs, concernant les étudiants. Alors que dire des autres ? فيجب على المسلمين أن يحافظوا على ألسنتهم ويتحروا الكلام الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويجتنبوا الأقوال والشائعات الظالمة. Il est donc impératif aux musulmans qu'ils fassent attention à prononcer des paroles qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée et qu'ils délaissent toutes les paroles ainsi que les rumeurs injustes. فاليوم تجد الرجل جالسا في بيته تأتيه رسالة على جواله لا يتأكد ولا يتثبت فينشرها. Aujourd'hui, tu vois un homme assis chez lui. Un message lui vient sur son téléphone. Il ne vérifie pas, ne cherche pas à comprendre. Et il le repropage. Allez, c'est reparti. Et c'est comme ça que les péchés augmentent. Et que les rumeurs se propagent. Et que les mensonges se propagent. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que le mensonge, il couvre la terre. Ce mensonge, il a fait le tour du monde. À cause du fait qu'on ne vérifie pas. On entend, ah, t'es au courant, et on propage. Annas, nasu. Annahum sayuhasabun wa sayus'alun. Indallahi tabaraka wa ta'ala, les gens ont oublié qu'ils seront jugés et interrogés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui dit ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce aucune parole sans qu'il ait auprès de lui un observateur prêt à noter. Aucune parole. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Il y a certes auprès de vous des gardiens, كِرَامًا كَاتِبِينَ, des nobles scribes, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Ils savent ce que vous faites. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Certes, les pieux, les bons, les obéissants seront dans des délices. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. Et certes, les transgresseurs seront dans l'enfer. فَكُلَّمَا تَقُولُهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْكَ سَوَاءً كَانَ فِي السِّرِّ أَوْ فِي الْعَلَنِ. Tout ce que tu dis est écrit te concernant, même si cela est en public ou en privé. وَسَوَاءً أَخْفَيْتَ نَفْسَكَ أَوْ أَظْهَرْتَ نفسك. Et même si tu te caches ou alors tu te montres, tout ce que tu dis est noté. Tout ce que tu dis est noté. Tu peux te cacher des gens, mais tu ne te caches pas d'Allah tabaraka wa ta'ala. أخرج الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الترمذي, il dit dans son recueil, Al-Jami', il cite dans son recueil Al-Jami' un hadith selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: et qu'est-ce qui fait culbuter les gens dans le feu? Et qu'est-ce qui fait culbuter les gens dans le feu sur leur visage ou leur narine, si ce n'est ce que leur langue ont moissonné? Ici, le doute, leur visage ou leur narine, c'est un doute du rapporteur. Celui qui rapporte le hadith qui a douté. Est-ce qu'il a entendu ça ou ça? Et ce que leurs langues ont moissonné, c'est-à-dire ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont prononcé par leur langue. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني حفظه رحمه الله. Ce hadith a été jugé authentique par l'imam الألباني رحمه الله. والمعنى أن هذا اللسان من أكبر أسباب دخول الناس في النار. Et la signification de cela est que cette langue fait partie des plus grandes causes du fait que les gens rentrent dans le feu. Des plus grandes causes. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي والمعنى لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها. Al-Mubarak Fouri, il dit dans son livre Tuhfatu al-Ahwazi, l'explication donc du Jami al-Tirmidhi, il dit la signification de cela, c'est qu'est-ce qui fait culbuter les gens dans le feu, si ce n'est ce que leurs langues ont moissonné parmi les paroles de mécréance, ainsi que le fait de taxer injustement certains de fornicateurs, ainsi que les insultes, la médisance, le colportage et les mensonges, le fait de calomnier et autres qui vont dans ce sens. Unzur ya Abdallah, hal anta waqi'un fi wahidatin min hadhihi? Regarde, ô serviteur d'Allah, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont accompli une de ces actions qui ont été citées? Et médite, car chacun connaît mieux sa propre personne. Al-Bukhari wa Muslim. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة المنافقين ثلاث. الإمام البخاري ومسلم cité selon عبد الله بن عمرو que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les signes de l'hypocrisie sont au nombre de trois. Et dans d'autres versions, au nombre de quatre. إِذَا حَدَّثَ كَذَبْ. S'il parle, lorsqu'il parle, il ment. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرْ. Et lorsqu'il se dispute, alors il dépasse les limites. Ça arrive des conflits. Mais lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرْ. Et lorsqu'il prend un engagement, alors il trahit et trompe. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ. Et lorsqu'il fait une promesse, alors il ne la tient pas. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. يَا إِخْوَ هَذِهِ مِنْ عَلَمَاتِ النِّفَاقِ. Ô mes frères, ces éléments cités font partie des signes de l'hypocrisie. Aujourd'hui, cela est banalisé. Le fait de mentir. Le fait de mentir. Une fois, j'ai assisté à une conversation où une personne disait « Mais un tel a menti. Comment est-ce qu'on peut prendre de lui ?» Un autre qui disait « Mais qui ne ment pas aujourd'hui ? Qui ne ment pas aujourd'hui ?» Banalisé. Totalement. Ce n'est plus grave aujourd'hui. Subhanallah. Cela fait partie des signes de l'hypocrisie. فتكون خصومة بين اثنين، فيذهب أحدهما يفتري الأكاذيب على الآخر ويتهم الأبرياء، ثم ينشر هذا على وجه الأرض. Et donc il y a une dispute, un conflit entre deux personnes. Et l'un d'entre eux va donc inventer des mensonges à l'égard de l'autre et accuser les innocents et propager cela sur la surface de la terre. Cela fait partie des signes de l'hypocrisie, le fait de dépasser les limites comme cela. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله تبارك وتعالى حتى ينزع عما قال. الإمام أحمد a cité dans son مسند selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dispute dans le faux, comme sont nombreux ceux qui font ça, disputer, polémiquer dans le faux, tu sais que t'as tort, mais non, je peux pas dire que j'ai tort. Polémiquer, trouver une solution, tout pour avoir raison. Celui qui dispute et qui polémique dans le faux ne cesse d'être dans la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il délaisse et qu'il se repente de ce qu'il a dit. Et ensuite il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: wa man qala fi mu'minin ma laysa fi Eskanahullahu radghat al-khabal hatta yakhruja mimma qal. Ensuite il continue en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam: et celui qui dit concernant un croyant ce qui n'est pas vrai le concernant, alors Allah le fera demeurer dans un endroit qui s'appelle radghat al-khabal jusqu'à ce qu'il délaisse, et qu'il revienne, et qu'il se repente de ce qu'il a dit. Radrat al-Khabal. هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الإمام الألباني في سلسلة الصحيحة. Ce hadith a été jugé authentique par Al-Hakim. Al-Zahabi l'a appuyé. Et l'imam Al-Albani, rahimahullah, a appuyé les deux précédents dans Al-Silsila Al-Sahiha. Radrat Al-Khabal. Qu'est-ce que c'est? Justement, on se demandait. Justement. Je ne l'ai pas traduit pour une raison, parce que je n'ai pas trouvé la traduction. J'ai pas trouvé la traduction. Mais qu'est-ce que c'est? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé concernant cela, parce que les compagnons l'ont interrogé aussi. Lorsqu'il en a parlé, les compagnons lui ont dit: Ya Rasulallah, ma radrat al-khabal, comme dans Sunan ibn Majah. Il a répondu en disant: Hasidu ahlin nar, le pu des gens du feu. Le pu des gens du feu. Et c'est là qu'ils seront. Cheikh Rabi' hafidhahullah qala mu'alliqan ala hadha al-hadith: لعل هذه المنطقة التي يسكن فيها المخاصم في الباطل المتقول على الأبرياء ما ليس فيهم هي أخص زوايا جهنم وأكثرها وأنتنها وأخبثها إن لم ينزع أما قال ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. Il dit donc le Cheikh Rabi' en commentant ce hadith. Il dit, et il se peut que cet endroit dans lequel va demeurer celui qui a débattu, celui qui a polémiqué et qui a disputé dans le faux, et qui a dit concernant des innocents, ce qui est faux les concernant. Il se peut que cette place dans laquelle il va demeurer est la place la plus méprisable de l'enfer, et la plus impure, et la plus moisie, et la plus sale de l'enfer, jusqu'à ce qu'il délaisse et qu'il se repente de ce qu'il a dit. Oh mes frères, ce sujet est trop banalisé à notre époque. Tu sais pertinemment que tu as menti sur ton frère. Tu l'as écrit, tu l'as propagé. Où est le repentir? Tu sais pertinemment que tu es allé voir certains en secret et que tu as menti sur ton frère, que tu as menti sur ton épouse ou que tu as menti sur ton époux, que tu as menti sur ton père. Où allons-nous continuer comme cela? Où on entend des paroles sur certains, personne ne cherche à vérifier. Ah, un tel il a fait. Un tel il a fait, un tel il a dit. Tu as vérifié? Ouais, mais c'était marqué. Ah. Auprès d'Allah, tu diras, c'était marqué. C'était marqué. Oui, c'était aussi marqué. Radrat al-Khabel. C'était marqué aussi. Dans le Mousnad de l'imam Ahmed. C'était marqué. Nous devons faire attention, les frères. Attention, car celui qui propage a le même jugement que celui qui l'a prononcé initialement. Il est aussi coupable de cela. Faites attention. Et celui qui vient te voir pour te parler d'un frère, conseille-le. Ittaqillah fi nafsik. Ne reste pas à côté de lui comme cela à prendre des péchés. Non, lève-toi et dis-lui, crains Allah. Je ne t'écoute pas parler sur ton frère comme cela. S'il est capable de parler sur son frère devant toi, serait-il capable aussi de parler de toi devant ton frère? Conseille-le. Il faut arrêter de participer au péché comme cela. Nous devons nous repentir et revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et faire attention à nos langues. Car les péchés des langues sont très graves. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا. Je ne sais pas encore à la radio.